dès 6-9 mois, les bébés connaissent un petit peu quelques mots. Le robot dans 20 ans, je m'appelle Peter. Je l'imagine descendre les poubelles. Je m'en charge volontiers. On est capable de diagnostiquer, de mieux traiter, dans quelques cas, avec l'ADN. L'espoir, finalement, c'est de réenchanter notre rapport au cosmos, à la nature et à la vie. Aujourd'hui, les promesses de la mère. L'équivalent d'un camion poubelle de plastique se déverse chaque minute dans la mer. Dedans, les déchets que l'on voit et les fragments que l'on ne voit pas. Nous en rejetons tous. À chaque cycle de machine à laver, des fibres issues de nos tissus synthétiques sont relâchées dans l'environnement. La mer ne va pas bien, victime de la pollution, du transport maritime et de la surpêche. Pourtant, que serions-nous sans la mer ? Elle nous offre la moitié de l'oxygène que nous respirons, absorbe beaucoup de gaz carbonique. Dans ses profondeurs se trouvent les médicaments de demain et grâce à sa force, l'énergie du futur. La mer est bourrée de promesses, va nous dire Philippe Goulecker. Philippe Goulecker est chargé des questions liées à la biodiversité marine et côtière à la direction scientifique de l'IFREMER. Pour lui, la mer que nous connaissons risque de disparaître. Les aventuriers sur France Inter. Donc la mer, effectivement, est un très grand territoire. Il faut garder l'esprit, les océans sont également très profonds. C'est le premier volume de vie sur la Terre. Donc avec une couverture, c'est assez classique, mais une couverture à 72% du globe terrestre. Donc un volume très important, des zones qui sont un peu en dehors des juridictions nationales. Et une variabilité très importante, une biodiversité également très très importante. La mer nous donne beaucoup d'oxygène. La mer nous donne effectivement beaucoup d'oxygène. Depuis l'apparition de la vie sur Terre, on considère à l'heure actuelle qu'on a à peu près 50% de la production d'oxygène, enfin, qui nous permet de respirer, qui est originaire du milieu marin. Donc la mer est pleine de ressources. La mer absorbe le CO2 en grande partie, mais pas assez. Alors la mer, effectivement, a absorbé depuis le début de l'ère industrielle, donc la mer a absorbé à peu près la moitié de la production issue des activités humaines, et également, donc la production en gaz carbonique, mais également absorbé énormément de température qui est en excès depuis le début de l'ère industrielle. Donc ça a des conséquences sur les océans. Mais on a effectivement un rôle très important des océans dans la régulation du climat à l'échelle mondiale. Alors le climat justement change, tout le monde le sait, on parle d'une élévation moyenne de 2 à 3 degrés. Qu'est-ce que ça va changer pour la mer, pour les océans ? Alors l'impact est particulièrement important avec une augmentation de 2 à 3 degrés. Donc les océans vont se dilater. Par un processus physique classique, si on échauffe, on a une dilatation. Donc ça veut dire un impact sur le littoral, donc une élévation du niveau de la mer, une rentrée plus importante des eaux marines dans les estuaires, donc dans des zones a priori plus ou moins dessalées. Des changements également au niveau de la composition chimique des océans. Donc des modifications vraiment à l'échelle globale. Et beaucoup d'espèces menacées ? Le principal problème est plus la diminution des populations des espèces marines qui modifient complètement le fonctionnement de l'écosystème marin. Donc on est moins impacté qu'en milieu terrestre en termes de disparition d'espèces, mais l'impact se situe plus en termes de restructuration du fonctionnement des écosystèmes marins et donc derrière des productions qui peuvent en découler. Alors la mer absorbe du CO2 et le CO2 acidifie les océans. Avec quelles conséquences ? Donc la mer effectivement absorbe, les océans absorbent le CO2 et la température en excès. Donc il y a des conséquences météorologiques. On parle beaucoup de l'augmentation de la fréquence des cyclones. Mais il y a également des modifications sur les caractéristiques chimiques des océans qui induisent finalement donc une acidification et ça a des conséquences sur tous les organismes qui ont un squelette calcifié. Voilà pourquoi on parle de blanchiment du corail. Alors le blanchiment des coraux, donc des récifs coralliens, alors Déjà, c'est un processus qui a tendance à augmenter en fréquence depuis ces dernières années. Donc c'est lié à la fois à l'augmentation de température. Il suffit d'avoir une vague de température sur des récifs coralliens pour avoir un relargage de certaines espèces qui sont situées au niveau des récifs et donc un blanchiment des coraux. Alors la difficulté, c'est les coraux peuvent récupérer, si on leur laisse le temps de récupérer, si vous avez des vagues successives de température qui se rapprochent, donc là vous avez carrément une perte des récifs et donc une colonisation par d'autres espèces qui modifient complètement ces écosystèmes. Donc une grande perte en biodiversité. Une grande perte en biodiversité et également une grande perte au niveau des productions qui en sont issues. Il faut savoir qu'au niveau mondial, il y a énormément de populations qui sont dépendantes du bon état et de la bonne santé des récifs coralliens, ne serait-ce que pour s'alimenter avec les productions de poissons. Il y a un sujet qui vous tient à cœur, c'est celui du krill. Alors le krill, ce sont des espèces de crustacés qu'on retrouve principalement et qui font l'objet d'exploitation, notamment dans la zone antarctique, dans la partie 40e rougissante, plus bas, vraiment sur le globe. Et on a des entreprises qui l'exploitent fortement, même trop, de façon trop importante. Donc on commence à avoir une réaction en matière de gestion pour limiter cette exploitation. Donc c'est une source d'oméga 3, d'acides gras, c'est une source d'oligo-éléments, enfin c'est et de protéines. Donc ce sont des espèces qui sont en très grande quantité, mais qui ont été par moments surexploitées. Et il faut savoir que ce sont des espèces qui contribuent également à l'alimentation, notamment des mammifères marins. Alors c'est terrible tout ce que vous racontez, le krill, l'acidification des océans, le réchauffement climatique, et on n'a pas parlé des plastiques. Alors les plastiques, donc là aussi c'est l'émergence de nos activités modernes, on les retrouve dans les fleuves, on les retrouve au niveau des estuaires, et on retrouve maintenant ces plastiques sous différentes formes, jusque dans les fosses abyssales. Et on a du mal à connaître le devenir des plus petites particules, puisque ce sont des plastiques qui, dans un premier temps, on parle de macro-déchets, de taille suffisamment conséquente pour être vus. Mais en fait, c'est la fragmentation de ces plastiques-là et la production de toutes petites particules qui sont quand même problématiques. Allez, encore un sujet qui fait mal avant de passer aux sujets qui font du bien, la hausse du trafic maritime. Tous les biens de consommation, enfin une grande majorité des biens de consommation, arrivent par le transport maritime. Donc c'est quand même le premier vecteur de transport. Et on a eu une augmentation très importante de ce trafic-là sur les dernières décennies. Tout le trafic maritime, les bateaux, les paquebots de croisière, vont avoir un impact environnemental. Donc ils peuvent introduire des espèces, donc via les eaux de ballast, mais également le fouling, toutes les espèces qui sont fixées sur les coques de bateaux. Donc ça, c'est un impact significatif. Les bateaux sont également producteurs de gaz à effet de serre, produisent par les moteurs thermiques, donc des échappements. Mmh. Il y a également certains métaux qui sont produits par ces échappements. Et on a des effets aussi indirects, par exemple. On a vu ces dernières années des multiplications de croisières dans des zones un peu extrêmes, Antarctique, Arctique et autres, sur des zones où normalement l'intervention humaine est quand même relativement limitée. Donc on peut avoir également des impacts par l'accroissement du trafic touristique. Et malgré tout ça, la mer est pleine de promesses. La mer est pleine de promesses. Je pense que c'est un point très important à mettre en avant. Pour nous, mais également pour les générations futures, puisqu'il y a du potentiel à la fois en termes de médical, en termes de substances qui peuvent présenter un intérêt à des fins pharmacologiques, à des fins nutritionnelles, enfin différents aspects qui sont particulièrement importants pour l'homme pour son développement futur. D'où vient cette lumière au-dessus d'elle et ce pas de louve caressante? Ces hanches qui roulent, facile, naturel, est-il un amour qui la hante? C'est peut-être juste l'encarante. quelquefois qu'elle a des ailes, ou comme une audace l'insolente. Un avis nouveau, une envie nouvelle, elle en deviendrait fatigante. Ce n'est rien de plus que l'on cabri, un peu gazelle, et brûle d'amour du cœur au ventre. Cette eau qui bouillonne, où la puise-t-elle? Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle entre avec le sourire en l'an 40. Quelques séquelles, quand elle sera sur d'autres pentes, en pleine sagesse, du moins le croit-elle, pour accompagner la descente, elle se souviendra de l'an 40. On écoutait Jeanne Chéral, l'an 40. Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. En milieu marin, environ 250 000 espèces sont à ce jour répertoriées, hors domaine microbien, où les virus et les bactéries se comptent probablement en milliards. Ces espèces sont des mines pour les chercheurs qui peuvent aujourd'hui tester le potentiel thérapeutique de nouvelles molécules avec des outils performants. Par exemple, l'hémoglobine d'un ver marin permet de transporter des organes destinés à la greffe. Philippe Goulecker, chargé des questions liées à la biodiversité marine et côtière, à la direction scientifique de l'Ifremer. Donc en fait, dans les océans, on a des particularités en matière de biodiversité, en termes de ressources, en matière de molécules qui sont particulièrement intéressantes. Pourquoi ? La vie sur Terre a d'abord commencé dans les océans, et donc on a des processus d'évolution beaucoup plus anciens que ce qu'on peut avoir sur le milieu terrestre. Donc il y a des voies d'évolution qui ont été adoptées, qui ne qu'on retrouve pas sur le milieu terrestre. Donc il y a une organisation de la vie qui est différente dans le milieu marin et donc une source de molécules et de choses pouvant présenter un intérêt. 21 août 1969, première chaîne de télévision. Pierre Desgroupes interroge le médecin responsable d'un centre de thalassothérapie en Bretagne. De l'eau de mer, c'est de l'eau salée, c'est de l'eau remplie de sel de cuisine, mais à part cela, il n'y a pas grand-chose dans la mer. On dirait qu'il y a tous les éléments. Ah bien sûr, la prospection de la mer, on parle de la richesse de la mer, mais c'est dans le sous-sol. Dans la mer, il n'y a pas grand-chose. Il y a tous les éléments, mais à faible dose. Il y a évidemment du plancton, mais le plancton est en surface. Ensuite, il y a comme élément, il n'y a pas tellement d'éléments. Il n'y a pas de microbes par conséquent ? Les microbes, il y en a, c'est nous qui les nourrissons, les microbes. Il y a des microbes et les poissons gras sont en bordure des côtes. C'est l'homme qui nourrit la mer. Ça prouverait que la mer a une vertu bactéricide. Alors, ou la antibiotique. Mer a sûrement une vertu bactéricide par les algues qu'elle contient, par surtout les diatomées. Mais attention, il existe bien des antibiotiques dans les algues. Mais exactement comme quand vous parlez de pénicilline, vous savez que ça vient d'un champignon. Vous n'allez pas vous faire un bain de champignons, n'est-ce pas ? Il faut extraire cette matière antibiotique de l'algue. Il était quand même un peu spécial, ce médecin. Donc on peut constater que la science a largement progressé sur les dernières décennies. On n'est plus du tout dans le même contexte et la connaissance s'est fortement développée. Alors comment est-ce qu'on explore la mer et comment est-ce qu'on y cherche de nouvelles molécules, par exemple, pour des médicaments ? Donc il est vrai qu'on a moins de connaissances dans le milieu marin qu'en milieu terrestre. Pour la plus simple raison, c'est que c'est un milieu beaucoup plus difficile à examiner et à échantillonner. On considère, par exemple, dans les fonds abyssaux qu'on a à l'échelle mondiale évalué et cartographié l'équivalent de la surface de Paris. Donc, on a une méconnaissance très importante parce que c'est difficile d'y accéder et on y accède ponctuellement. On a des outils, notamment, en génomique, des outils moléculaires qui permettent de faire des screenings et de faire des échantillonnages beaucoup plus rapides et beaucoup plus systématiques dans le milieu marin. Donc, ce qui permet de découvrir beaucoup plus d'espèces et de molécules d'intérêt. Expliquez-moi comment on stresse les éponges pour en extraire des substances chimiques. On a des molécules qui sont extraites des éponges qui présentent un intérêt pour le plan, sur le plan médical. Et donc, il y a eu des cultures d'éponges qui permettent de produire ces substances. Donc, il suffit de les stresser pour récupérer, effectivement, ces molécules. Mais comment on fait? Il peut y avoir des stress thermiques, des stress physiques pour les provoquer à synthétiser ces molécules. Donc, il y a des élevages, entre guillemets, pour effectivement produire ces molécules. Alors, par contre, la démarche générale, c'est pas d'aller dans le milieu marin et de retirer les éponges pour les exploiter. On est également dans la détection des molécules, la compréhension de leurs principes actifs, pour après passer par une voie de synthèse pour dupliquer et reproduire ces molécules. J'ai cru comprendre que les éponges étaient pleines de promesses. Dans quel domaine ? Donc on retrouve au niveau des éponges des substances anticancéreuses qui ont déjà fait l'objet d'exploitation commerciale. Il y a différentes dans les éponges, on retrouve également de la silice, donc il y a eu des exploitations de ces matériaux. Donc il y a différents volets qui ont pu faire l'objet d'exploitation. 16 septembre 1979, France Inter, interview d'un chercheur du CNRS. Les médicaments miracles de demain nous viendront peut-être de la mer. La mer renferme en effet une énorme quantité de substances et de molécules auxquelles s'intéresse de plus en plus l'industrie pharmaceutique. Ce n'est pas pour demain. On vient de faire le point à Brest où Germaine Bartoli a rencontré en particulier l'un des chercheurs du CNRS, Monsieur Chebolo. La mer a toujours été une ressource pour certains médicaments et je parle par exemple de l'huile de foie de morue. Maintenant, nous avons pensé que pour des médicaments nouveaux, la mer devait être un nouveau champ d'expérience. Et depuis 10 ans, les grandes sociétés pharmaceutiques se penchent sur l'exploitation des océans pour trouver de nouvelles molécules. Mais les dernières recherches, je crois les plus positives, proviennent du domaine des éponges. Dans un produit qui serait relativement bon dans le domaine cardiovasculaire et un autre produit qui nous donnerait un certain nombre d'expériences dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans peut-être, dans le domaine du système nerveux central. C'était il y a 40 ans. Est-ce que ces vœux se sont réalisés ? Alors, ce qui a été présenté, effectivement, on a fortement là aussi progressé dans la connaissance et jusque dans la mise en marché de certaines substances. Donc on a à l'heure actuelle des médicaments qui sont d'origine marine. Les utilisateurs ne le savent pas, mais par exemple des produits pour traiter les cancers du sein sont d'origine marine. On a différentes substances comme ça qui sont passées dans le domaine commercial. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de substances qui sont en cours de test. Mais il y a beaucoup de labos qui travaillent sur ce sujet dans le monde. Il y a beaucoup de laboratoires publics et privés. Il y a effectivement beaucoup de laboratoires qui travaillent, qui sont dans une démarche de prospection et de test. Quand on regarde les dépôts de brevets sur les molécules marines, on retrouve des grandes entreprises pharmacologiques qui font du screening et qui déposent systématiquement des brevets pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut ajouter dans le domaine médical ? Alors, compte tenu des spécificités de cette biodiversité marine, on l'utilise également certaines espèces en tant qu'espèces modèles pour la recherche, et notamment la recherche médicale. Par exemple, dans la recherche sur le cancer, donc on a des espèces marines qui présentent un intérêt pour la recherche médicale parce que on peut les associer avec des virus qui ne présentent pas de conséquences pour le système immunitaire de l'homme. Donc ce sont des espèces qui sont très particulières. Donc on travaille notamment sur des projets de recherche financés par l'ARC pour essayer d'avancer dans ce domaine de compréhension des processus cancéreux. Parlez-moi des vers marins qui donnent un son universel. Effectivement, le vers marin, c'est à l'initiative des chercheurs et d'un chercheur en particulier de la station biologique de Roscoff, Frank Zahle, donc qui est parti d'un constat relativement simple en disant comment les vers marins qui vivent dans le milieu du balancement, enfin sur la côte, sur le littoral, dans la zone de balancement des marées, comment ils peuvent survivre à une immersion pendant 8 heures, voire plus, quoi. Donc ce sont ces petits vers dont on voit les traces au bord de la plage. Donc à partir de ce constat-là, il a travaillé, développé des recherches pour comprendre le processus de survie de ces animaux et pour à la fin trouver une molécule qui est en fait un précurseur de ce que nous on a en termes de sang au niveau de l'hémoglobine. Donc il a une molécule beaucoup plus petite que l'hémoglobine humaine, qui a des capacités de transport d'oxygène qui sont très très importantes. Donc à partir de là, une société a été montée, qui est en plein développement et qui contribue notamment à l'amélioration de la survie des greffons, par exemple, mais dans différents domaines liés à tout ce qui touche à le transport d'oxygène, les pansements, enfin il y a différentes applications très très importantes. Donc c'est vraiment une innovation de rupture, ce genre de processus. Quand vous avez une greffe et que vous avez obligatoirement un transport d'un foie ou d'un cœur en moins de 24 heures pour des contraintes techniques, là il améliore grandement le taux et le temps de transport. Des greffes mieux réussi grâce aux vers marins. C'est vrai que dans un millilitre d'eau de mer, il y a des millions de cellules. Ça foisonne de vie, clairement. C'est vrai qu'on en attend de nouveaux antibiotiques? Alors, antibiotiques, mais d'autres substances, notamment dans le phytoplancton, il y a différentes molécules qui peuvent être d'intérêt. Ce qu'il faut peut-être ajouter aussi, c'est que dans le milieu marin, dans les grandes structures d'organisation du vivant, on a la totalité dans le milieu marin, on a beaucoup plus de variabilité dans le milieu marin que ce que l'on a sur le milieu terrestre. On ne retrouve pas d'échinodermes sur le milieu terrestre, des oursins. Donc il y a différents groupes comme ça, comme celui-ci, qui sont exclusivement présents dans le milieu marin et donc qui apportent de nouvelles potentialités. Et on a également, donc on parle du milieu bactérien, du milieu des organismes plus développés, mais au milieu on a ce qu'on appelle les archées, qui sont des espèces très particulières et qui survivent à des milieux extrêmes et qui ont une capacité à régénérer leur génome. Donc ça présente un intérêt également. Alors on est plus dans la recherche fondamentale, mais à terme, c'est la réparation des chromosomes humains, quoi. Donc il y a des implications sur le moyen terme qui sont vraiment très très intéressantes. C'est très excitant. Et on écoute Vampire Weekend, This Life. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all this suffering. Oh Christ, am I good for nothing? Baby, I know death probably hasn't happened yet, 'cause I don't remember living life before this. And darling, our disease is the same one as the trees, unaware that they've been living in the forest. Cheating on me, I've been cheating on you. You've been cheating on me, but I've been cheating through this life. I've been cheating on me, I've been cheating on you, and all this suffering. I've been cheating on me, oh Christ. I've been cheating on me, I've been cheating on you. Am I good for nothing? This life. Les algues sont ramassées depuis des millénaires au bord des côtes du monde entier car elles constituent un engrais recherché. Aujourd'hui, on sait les cultiver. On en fait des plastiques, des cosmétiques, de la nourriture, des gélifiants. Dans les océans, il y a aussi des micro-algues. Pour Philippe Goulecker et ses équipes de chercheurs de l'Ifremer, elles inspirent déjà beaucoup les chimistes. Donc dans le milieu marin, on a ce qu'on appelle les macro-algues. C'est ce que vous voyez quand vous vous promenez en bord de mer avec des grandes algues brunes ou autres, si vous êtes en Bretagne, ou des algues vertes ou des algues rouges. Donc ça, ce sont les macro-algues qui sont exploitées depuis des centaines d'années. On extrait des substances qu'on retrouve dans les yaourts, enfin dans différents produits alimentaires, des gélifiants. Donc des gélifiants, on en fait des plastiques, donc, on en tout fait à des faire. Produits on peut cosmétiques. Faire des bioplastiques, on peut faire des bioplastiques à partir de ça. Enfin, il y a une utilisation très très importante de ces macro-algues. Et puis on a des espèces qui prolifèrent à l'heure actuelle, par exemple dans les Antilles, qui peuvent faire l'objet d'une exploitation derrière les sargasses. Qui peuvent faire l'objet d'une exploitation. Il y a plusieurs entreprises qui sont à l'heure actuelle en cours de réflexion sur la valorisation, la transformation de ces espèces qui sont en grande quantité et qui posent un problème environnemental, afin de les valoriser. 17 septembre 1961, télévision belge, reportage sur les bienfaits des algues. Il se passe quelque chose ici, et qui risque de bouleverser bien des méthodes traditionnelles. Il s'agit, pour tout dire, de revenir à une façon naturelle de vivre et de survivre. Au lieu des engrais chimiques, les algues. Au lieu des produits plus ou moins synthétiques, plus ou moins frelatés, les algues. Première question qui vient à l'esprit, quels peuvent être les effets immédiats de la consommation d'algues sur l'organisme humain? Est-ce que l'algue a de l'influence sur les capacités intellectuelles? Oui, j'ai fait donc un essai très concluant. J'ai donné donc 1 kilo d'algues à une vache par jour. Je garde le lait de cette vache pour la famille et ce lait est enrichi en oligo-éléments. L'aîné de la famille ne marchait pas très bien à l'école le premier jour et lorsqu'il a bu du lait de cette vache ou lait enrichi, quelques jours après donc l'intelligence s'est développée. Radicalement. Radicalement. C'est douceâtre, cela sent les flaques de mer laissées sur la plage. Et vous, aimez-vous l'algue? Et est-ce bien utile? Est-ce bien utile, Philippe Goulecker? La question se pose plus aujourd'hui. Alors en fait, les macro-algues, ce qu'il faut savoir, c'est que si ce n'est pas vraiment dans nos traditions alimentaires en Europe, ce sont des productions tout à fait courantes en Asie. Traditionnellement, les macro-algues étaient ramassées sur le littoral et servaient d'engrais dans les champs, les goémoniers en Bretagne, depuis des centaines d'années. Récupérer pour en faire des engrais. On en fait aussi des produits cosmétiques? On en fait également des produits cosmétiques pour différentes molécules et différentes finalités. Donc on retrouve ces extraits d'algues dans toute une série de produits, que ce soit des savons, des crèmes cosmétiques. On retrouve dans différents produits. 17 novembre 1990, journal de FR3, des crèmes de beauté à base d'algues. Dans ce laboratoire créé en 1972, 30 personnes, dont 10 techniciens et chercheurs, analysent aujourd'hui tout ce qui s'applique sur la peau humaine. Voici d'ailleurs la fabrication de 30 kilos de crème hydratante, un produit courant pour des millions de femmes. Mais sait-on que la plupart de ces pâtes, du rouge à lèvres au fond de teint, sont élaborées à partir d'algues, comme ces colorants fluo directement issus du varech breton. Sur les algues, beaucoup de choses à faire, puisque pratiquement tout est à définir, c'est-à-dire des colorants à base d'algues, des additifs à base d'algues et des principes actifs, pourquoi pas. Donc c'est plein de quoi les algues ? Alors, la composition est très variable selon les espèces concernées. C'est la raison pour laquelle certaines sont consommables, d'autres pas. Mais on extrait différentes molécules pour, par exemple, les gélifiants. Ce sont des substances qui sont traditionnellement extraites. C'est plein de minéraux, Il y a d'ailleurs des entreprises. Enfin, il y a quelques dizaines d'années déjà, on avait des sociétés, notamment, je peux citer par exemple Guémard à Saint-Malo, une société qui utilisait des algues pour les transformer à des fins d'engrais biologiques sur les cultures maraîchères et sur différents types de cultures. Donc on avait déjà une tradition, on va dire, sur l'utilisation de principes actifs au niveau des algues pour différents usages. Alors voilà pour les algues qu'on voit, mais il y a toute une variété d'algues qu'on ne voit pas. Effectivement, on a donc les macroalgues très très simples à voir sur le littoral. On a beaucoup plus d'espèces en ce qu'on appelle les microalgues, donc de beaucoup plus petite taille, qu'on ne voit pas vraiment à l'œil nu, sauf quand il y a des efflorescences, ce qu'on appelle des blooms phytoplanctoniques, où on peut avoir des eaux colorées, par exemple. Donc là, à ce moment-là, on les voit. Mais globalement, elles sont trop petites pour être vues à l'œil nu. Il faut aller sur l'instrumentation pour bien les observer. On a un laboratoire Ifremer, par exemple, qui travaille sur l'identification de ces espèces. On en découvre très régulièrement. On considère qu'on a une méconnaissance assez importante sur la diversité des microalgues dans les océans. Gaël Bougaran, directeur du laboratoire Physiologie et Biotechnologie des algues à l'Ifremer de Nantes. Gaël Bougaran, vous travaillez sur les microalgues. Oui, bonjour. Effectivement, le laboratoire de physiologie biotechnologie des algues à Nantes travaille particulièrement sur les microalgues dans un objectif d'étudier tout d'abord leur écophysiologie, c'est-à-dire le fonctionnement des algues et d'étudier leur réponse aux variations des facteurs du milieu. Et l'idée, c'est d'utiliser ensuite ces résultats pour essayer de produire des applications biotechnologiques intéressantes pour nos sociétés. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ces microalgues ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Alors, c'est une question piège, tellement il y a de choses qu'on pourrait en attendre. Bon, historiquement, les algues ont été d'abord utilisées en aquaculture pour nourrir les mollusques, par exemple, les huîtres. Il faut savoir que s'il n'y avait pas de microalgues élevées, actuellement, on ne mangerait pas beaucoup d'huîtres. Ensuite, lorsque les Espagnols sont arrivés en Amérique centrale, ils ont découvert que les Aztèques prélevaient en fait une sorte de boue verte dans le lac Texcoco, et en fait il s'avère que c'était des microalgues. Alors c'est pas exactement une microalgue, c'est une spiruline, et cette spiruline est extrêmement riche en protéines, et elle est deux fois plus riche que le soja, qui est lui-même la plante la plus riche en protéines. Mm-hmm. Donc il y a un apport protéique très intéressant, mais aussi des oligo-éléments, des vitamines, etc. Il y a combien d'espèces de microalgues ? Alors, les avis divergent un petit peu, c'est difficile, mais aux alentours de 70 000 espèces, les plus optimistes disent jusqu'à 1 million d'espèces. Et on en utilise combien aujourd'hui ? Et effectivement, aujourd'hui, on en utilise couramment qu'une trentaine d'espèces. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup, beaucoup à découvrir de ce point de vue-là. Donc, vous les étudiez et vous espérez en faire quoi? Eh bien, écoutez, nous espérons les utiliser notamment en santé parce que elles sont très, comme disait Philippe Gouletker tout à l'heure, elles possèdent des molécules qui sont tout à fait originales. En diagnostic médical, elles sont utilisées pour leurs pigments, il y a des pigments fluorescents comme la phycocyanine et la phycoérythrine et qui permettent de faire donc du traçage fluorescent. Au sein du laboratoire aussi, on a mené un projet qui traitait de la photothérapie dynamique. L'idée, ça a été de rechercher des molécules qui avaient une activité particulière au sein des microalgues pour la photothérapie dynamique, qui consiste finalement à soigner des cancers superficiels de la peau. Donc nous avons criblé la diversité des algues de ce point à la recherche de molécules et nous avons finalement obtenu une fraction dont l'activité était 30 fois supérieure à celle de la molécule de référence de l'époque. Et en même temps, elle ne présentait pas les toxicités associées. Ça a l'air assez formidable. Les pigments, on peut les utiliser aussi pour colorer les œufs de poule. Oui, tout à fait. Alors peut-être la chose que tout le monde apprécie, c'est la pigmentation des flamants roses. Ça, c'est quelque chose qu'on voit naturellement. Oui. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces flamants roses ont acquis cette coloration parce qu'ils, dans leur alimentation, ils consomment une microalgue qui s'appelle Dunaliella, qui est naturellement présente et qui présente ce pigment bêta-carotène. Alors effectivement, on peut aussi pousser ça au niveau de l'agriculture, donc utiliser une microalgue chlorelle qui va colorer le bec et le jaune des poules. Colorer le saumon. Exactement, aussi une autre microalgue qui présente l'astaxanthine comme pigment permet d'obtenir la belle couleur appétissante du saumon orangé comme on l'apprécie tous. Ces microalgues dont vous parlez, elles sont donc dans les océans, mais qu'est-ce que vous faites? Vous les récupérez et puis après vous les cultivez? Oui, effectivement, on va récupérer ces microalgues. Alors, parfois dans des zones naturelles, mais souvent aussi dans des collections internationales. Et après, on va les cultiver dans des systèmes qu'on appelle aujourd'hui des photobioréacteurs en laboratoire, c'est-à-dire des sortes de cuves hyper instrumentées dans lesquelles on va pouvoir contrôler très très finement tous les paramètres et étudier finalement l'effet de ces paramètres sur la composition de l'algue, que ce soit en lipides, en pigments ou autres substances d'intérêt biotechnologique. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Bougaran. Philippe Gouletker en a parlé des macroalgues, des microalgues. Et les diatomées, c'est quoi? C'est une forme d'algue? C'est une catégorie de microalgues. Les diatomées ont une particularité d'avoir un exosquelette, donc qui est avec une structure en silice. Il paraît que c'est très joli. Donc c'est très joli, les formes au microscope, on voit des formes effectivement très esthétiques. Mais la particularité de l'exosquelette en silice présente un intérêt pour leur exploitation. 21 août 1969, un chercheur du CERBOM sur les propriétés antibactériennes de la mer. Vous savez que la mer a, depuis longtemps on le connaît, ça, un pouvoir auto-épurateur, c'est-à-dire qu'elle s'auto-épure elle-même, qu'elle lutte contre les bactéries venantes de terre. J'abrège un petit peu, si vous voulez, pour vous conduire directement au sujet de nos études. Ces études sont basées sur des diatomées, des algues microscopiques, unicellulaires ou autres, dans lesquelles est concentré ce pouvoir antibiotique. Comment sait-on que le pouvoir antibiotique est concentré dans ces algues? Eh bien, grâce à une expérience d'ailleurs très simple. Il suffit d'aller prendre de l'eau de mer au large. Cette eau va être additionnée d'eau d'égout. Et on va s'apercevoir que ces bactéries, ces microbes, disparaissent très vite. Il y a donc un pouvoir étranger, un pouvoir biologique. C'est le pouvoir qui est contenu dans cette eau de mer. Les diatomées, qui sont des algues microscopiques, eh bien, c'est dans ces algues-là qu'on trouve le pouvoir antibiotique le plus fort. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'on a d'autres voies de recherche pour les antibiotiques en milieu marin. Je ne connais pas d'application directe dans ce domaine-là en matière de diatomées. Par contre, ce sont des espèces qui sont utilisées en termes de capacité de filtration et capacité d'épuration des eaux. On en fait des filtres, des matériaux abrasifs. Tout à fait, du fait des caractéristiques en silice. Donc c'est un matériau de base qui est valorisable sous différents aspects. Et ces micro-algues, on peut aussi, ces diatomées, on peut aussi les cultiver ? On peut également les cultiver. Donc, en fonction de, il y a certaines espèces qui ont présenté des difficultés pour les mettre en culture parce qu'il fallait les associer avec d'autres espèces. Mais on a des capacités à les produire, effectivement. Pour terminer, j'aimerais bien que vous me racontiez une diatomée. Donc, une diatomée peut avoir différentes formes. Ce qui est vraiment remarquable au point de vue esthétique, c'est bon, l'exosquelette, donc une forme de petite boîte, mais par exemple avec plein d'excroissances et une structure en chaîne. Donc on a des diatomées qui forment des chaînes avec des excroissances assez particulières. C'est très esthétique quand on les regarde au microscope. On dirait que ça ressemble à de la dentelle. Il y a certaines formes qui représentent effectivement, qui ressemblent à des dentelles. On a vraiment une diversité de formes qui est très très importante. I put a spell on you, c'était Sophie Hunger. Les aventuriers sur France Inter. Pour dépolluer les villes, isoler les bâtiments, soigner les hommes, aspirer de nouveaux matériaux, faire du mortier, nourrir les populations, on compte beaucoup sur la mer. Philippe Goulecker, chercheur à l'Ifremer, pense qu'une partie de notre salut énergétique passera aussi par les océans. Alors, on a parlé au tout début du changement climatique. Donc, clairement, toutes les stratégies à l'heure actuelle, c'est de décarboner les productions énergétiques et donc de passer sur des énergies renouvelables. Donc, le milieu marin offre plusieurs opportunités pour proposer des énergies renouvelables avec un impact, je dirais, un peu moindre par rapport au terrestre, au domaine terrestre. Donc, il y a différentes formes. On peut retrouver de l'éolien marin, donc qui est déjà largement développé au niveau européen, voire au niveau mondial. Pas tellement en France encore. Pas tellement en France. Donc on a eu au moment du Grenelle de la mer, donc il y a 10 ans, une stratégie qui a été mise en place par le ministre de l'époque, Jean-Louis Borloo. Donc on a quand même peiné à développer. Donc il y a différents projets qui sont en cours de développement et de mise en œuvre. Mais il y a beaucoup de projets en cours, mais oui, aucun n'a vraiment commencé. Alors c'est vrai que comparé à d'autres pays européens, nous ne sommes pas vraiment en avance, ça c'est clair. Donc les Anglais en sont à la deuxième, troisième génération d'éoliens en milieu marin. Et les Français, les riverains français freinent. Alors il y a eu des recours administratifs, effectivement. Bon, il y a eu aussi toutes les procédures, études d'impact, enfin, bon, il y a eu des choses à améliorer par rapport à ça, mais on a à l'heure actuelle, il y a quand même plusieurs projets qui sont pas loin d'être finalisés dans les autorisations pour être déployés. Donc ça, c'est la génération, on va dire, parc éolien marin fixé. C'est-à-dire, ce sont des éoliennes qui sont fixées sur les fonds. Donc ça veut dire quand même relativement proche du littoral encore. Maintenant, la génération à venir, on est dans l'éolien flottant. C'est-à-dire qu'on va s'éloigner beaucoup plus du littoral avec des capacités de vent plus importantes, donc une régularité plus importante sur la production d'énergie et avec un impact moindre par rapport à l'aspect littoral. 23 novembre 1966. Journal télévisé, inauguration de l'usine marémotrice de la Rance. L'usine marémotrice de la Rance revêt le caractère sans précédent d'utiliser sur une large échelle les mouvements de l'océan dans son flux et dans son reflux. Elle ajoute d'autre part une puissante centrale à l'ensemble de nos moyens de production. C'est pourquoi l'extraordinaire réussite représentée par le barrage de cet estuaire où la marée se fait sentir plus fortement qu'en aucun point des côtes de toute l'Europe continentale. Tout cela est une grande victoire technique. Ça vous rappelle un souvenir ? Ça me rappelle effectivement un souvenir, même si j'étais tout petit. J'avais 7 ans à l'époque, mais originaire de Saint-Malo, on allait visiter le chantier de l'usine marémotrice de la Rance en sortie scolaire et donc à l'inauguration également. Donc c'est effectivement, ça remonte à quelques décennies, mais la France était le précurseur à l'échelle mondiale sur l'exploitation de l'énergie des marées. Comment ça fonctionne ? Le potentiel d'exploitation de l'énergie des marées se restreint à des zones quand même très particulières. Le golfe de Saint-Malo, c'est 14 mètres de marnage, donc c'est une zone qui est très particulière en matière de mouvement des marées. Donc là, il y a un potentiel d'énergie qui est très important. On a une autre baie à l'échelle mondiale qui est la baie de Fundy au Canada, où là, c'est le record à l'échelle mondiale, où on est à plus de 16 mètres de marnage. Donc ce sont que dans des secteurs comme celui-ci, où on peut avoir vraiment une rentabilité pour une exploitation durable en activité marémotrice. Et donc cette usine donne beaucoup d'énergie ? Elle produit depuis déjà, alors je dirais pas énormément d'énergie par rapport aux besoins, mais c'est une source de diversification qui est intéressante. Il y a des projets actuellement en Asie pour utiliser également cette énergie des marées. On peut utiliser l'énergie des marées différemment. Maintenant, effectivement, on a d'autres approches. Donc là, L'usine marine motrice de la Rance, c'était quand même un barrage avec des turbines. Donc il y a quand même eu aussi un impact environnemental qu'il ne faut pas oublier. Donc ça a changé carrément les caractéristiques de toute la RIA de la Rance. Donc il y a eu des envasements et autres. Donc il y a un impact quand même dont il faut tenir compte. Et maintenant, on est dans d'autres stratégies. Même si c'est pas encore totalement opérationnel, il y a quand même beaucoup de projets qui en sont au stade pré-industriel, notamment pour utiliser cette énergie. Donc on parle d'énergie hydrolienne, mais on a également d'autres sources de type d'énergie, comme l'énergie houlomotrice. Donc là, on va exploiter l'énergie des vagues, de la houle, pour la transformer en énergie. Mais il faut rappeler qu'en France, on a beaucoup de côtes. On a beaucoup de côtes et on a surtout, pour ce qui est l'hydrolien, on a deux sites absolument exceptionnels qui présentent un potentiel réel d'exploitation, que sont le Raz-Blanchard, donc qui est situé sur la partie ouest, enfin nord-ouest du Cotentin, où on a des courants extrêmement violents, réguliers, donc qui peuvent produire beaucoup d'énergie. Et on a le Fromveur, qui est au large de la pointe du Finistère, où là aussi, on a une quantité d'énergie très importante. Bon, la France expérimente, il y a plusieurs sociétés qui expérimentent des prototypes pour produire. Où on en est déjà, on n'est plus uniquement dans l'expérimental, on est dans le pré-industriel. Donc ça, c'est l'avenir en termes de production. Un avenir assez exaltant. Assez exaltant, donc... Mais on est encore dans le... Donc on a besoin d'énergie renouvelable, on a besoin d'avoir un mix énergétique. Donc tout ce qui peut diversifier présente un intérêt. Donc à terme, il y aura effectivement de l'énergie sur les sites que j'ai cités, donc en houlot, en hydrolien, on aura des sites en houlomoteur, on aura des sites en éolien, et on aura également, sur notamment dans les zones tropicales, une exploitation par le différentiel de température qui existe entre la surface et le fond, notamment dans des secteurs comme la Polynésie, où on a de l'énergie thermique cette fois-ci. Quelle est la mer que vous préférez ? Je suis originaire de Saint-Malo, donc pour moi la mer c'est la côte d'Émeraude. Des couleurs bleues changeantes, des vagues, des odeurs d'algues sur le bord de mer, les oiseaux de mer, donc le bruit des oiseaux, donc toute une vie et des plages très très grandes où on aime bien passer du temps. Philippe Goulecker signe avec Anaïs Joseph Un océan de promesses aux éditions Coué. Cette émission, comme toutes celles de cette série, est disponible en podcast sur Internet. Tous les Saventuriers de l'été, passé et à venir, sont en ligne sur franceinter.fr. Stéphanie Texier réalise Les Saventuriers avec Rebecca de Nantes. La programmation musicale est signée Djoubaka. À la documentation musicale, Romain Couturier. Merci aussi à Sabine Dahuron de l'INA pour les archives sonores. Au programme, la semaine prochaine, les promesses de la science dans le domaine du sport. Ou comment on prépare les Jeux Olympiques dans les laboratoires avec Philippe Clanet. Et les promesses de la science face aux catastrophes. Comment prévoir et anticiper. Magali Regueza est une grande spécialiste des inondations. Très bonne fin de journée sur France Inter. Et à la semaine prochaine.